Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, les éditions Dammage ont le plaisir de vous présenter une compilation de sourates et de versets du noble Coran et récitée par le frère de mérite Hamza al-Senerali, rahimahullahu ta'ala, ancien étudiant du centre d'études islamiques Darul Hadith de Dammage et mort en martyr pour sa sauvegarde, suivi de la traduction de leur sens en langue française par le frère Wahbi al-Tunisi. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Sourate numéro 20, Taha, versets 124 à 127. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. فإن له معيشة ضنكا. Il mènera certes une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira, « Ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors qu'auparavant je voyais ?» Allah lui répliquera alors, nos signes t'étaient certes venus et tu les avais oubliés. Et tu les avais certes oubliés, ainsi aujourd'hui, c'est toi qui es oublié. Ainsi sanctionnerons-nous celui qui aura été outrancier et qui n'aura pas cru aux révélations de son Seigneur. Et certes le châtiment de l'au-delà est plus sévère et plus durable. Sourate 31, Luqman, versets 6 et 7. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل. Et parmi les hommes, il en est certain qui tient de plaisants discours afin d'égarer. ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. Afin d'égarer les gens du sentier d'Allah alors qu'il est dénué de science et pour s'en moquer. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Et quand on lui récite nos versets, il tourne le dos avec orgueil, comme s'il ne les avait pas entendus. Comme s'il y avait dans ses oreilles une surdité. Fais-lui donc l'annonce d'un châtiment douloureux. Sourate 37, As-Saffat, versets 22 à 37. Rassemblez les injustes et leurs épouses et tout ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah et conduisez-les vers le chemin qui mène à la fournaise. Puis arrêtez-les, car ils doivent être interrogés. Il leur sera ainsi dit, pourquoi ne vous secourez-vous pas mutuellement, Mais ce jour-là, ils seront tous entièrement soumis. Et les uns se tourneront vers les autres, s'interrogeant mutuellement. Ils diront, c'est certes vous qui nous incitez à la mécréance. Les autres leur diront alors, c'est plutôt vous qui m'y croyez, et nous n'avions aucun pouvoir sur vous, mais vous étiez des transgresseurs. La parole de notre Seigneur s'est donc réalisée contre nous. Nous avons certes goûté au châtiment, et nous ne vous avons induit en erreur que parce que nous étions nous-mêmes égarés. La parole de notre Seigneur s'est donc réalisée contre nous. Nous allons certes goûter au châtiment, et nous ne vous avons induit en erreur que parce que nous étions nous-mêmes égarés. Ils seront donc ce jour-là tous associés dans le châtiment. Ainsi, traitons-nous les criminels. Et lorsqu'on leur disait, nulle divinité si ce n'est Allah, ils se gonflaient d'orgueil. Et ils disaient, allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? Mais il était bel et bienvenu avec la vérité, confirmant ainsi les messagers qui étaient venus avant lui. Sourate 62, Al-Jumu'ah, versets 9 et 10. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salah. Oh vous qui croyez, quand on appelle à la prière. Idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'ati fas'au. Quand on appelle à la prière du jour d'Al-Jumu'ah, le vendredi, accourez. Quand on appelle à la prière le jour d'Al-Jumu'ah, le vendredi, accourez à l'invocation d'Allah. Accourez à l'invocation d'Allah et délaissez tout commerce. Cela est bien meilleur pour vous, si seulement vous saviez. Puis quand la prière est terminée, dispersez-vous et partez en quête de votre subsistance. Et invoquez Allah abondamment afin que vous réussissiez. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.